Cette esquisse permet aux âmes innocentes de deviner les différents ravages que les Madame Marneff exercent dans les familles et par quels moyens elles atteignent de pauvres femmes vertueuses en apparence si loin d'elles. Mais si l'on veut transporter par la pensée ces troubles à l'étage supérieur de la société, près du trône, en voyant ce que doivent avoir coûté les maîtresses des rois, on mesure l'étendue des obligations du peuple envers ses souverains quand il donne l'exemple des bonnes mœurs et de la vie de famille. À Paris, chaque ministère est une petite ville d'où les femmes sont bannies. Mais il s'y fait des commérages et des noirceurs comme si la population féminine s'y trouvait. Après 3 ans, la position de M. Marneff avait été, pour ainsi dire, éclairée, mise à jour, et l'on se demandait dans les bureaux « M. Marneff sera-t-il ou ne sera-t-il pas le successeur de M. Coquet ?» Absolument comme à la Chambre, on se demandait naguère « La dotation passera-t-elle ou ne passera-t-elle pas ?» On observait les moindres mouvements à la direction du personnel, on scrutait tout dans la division du baron Hulot. Le fin conseiller d'État avait mis dans son parti la victime de la promotion de Marneff, un travailleur capable, en lui disant que s'il voulait faire la besogne de Marneff, il en serait infailliblement le successeur, il le lui avait montré mourant. Cet employé cabalait pour Marneff.